Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre épître de Jean. Et je suis convaincu personnellement que ce livre que nous étudions est très pertinent pour le monde dans lequel nous vivons. Je crois que dans le monde évangélique présentement, on est en train, tout doucement, de s'éloigner de la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. Et je ne suis pas surpris si le Seigneur me donne de vivre un autre 10, 15, 20 ans, de voir l'Église évangélique dans l'Amérique du Nord devenir de plus en plus apostat. On est en train de se détourner lentement de l'Évangile et de la raison d'être de l'Évangile. Et ce n'est pas surprenant, parce que dès Jean, quand Jean écrit, dès là, il y avait déjà des gens qui étaient dans l'Église, qu'on a vu ensemble, qui étaient des antéchrists, et qui voulaient détourner l'Église de la vérité. Et on va voir ce matin qu'il va parler encore de faire attention à ceux qui vous égarent, qui sont tentés de vous égarer, de vous amener loin. Quand je suis perdu, quand je suis égaré, c'est parce que j'ai quitté les sentiers, hein? J'ai quitté la grande route. Je ne serais pas perdu si je suis sur le bon chemin. Quand je suis égaré, c'est parce que je ne suis pas sur le bon chemin. Donc, on va étudier ça encore, si vous voulez bien, ce matin. Notre bon Père du ciel, guide-nous. Nous voulons que l'Esprit Saint que tu as mis en nous soit notre lumière ce matin, qu'elle illumine nos yeux et notre intelligence. Nous voulons bien comprendre. C'est notre désir profond de bien comprendre ta parole. Nous voulons faire tous nos efforts pendant notre vie, pendant notre génération, pour combattre pour la foi, pour combattre pour la vérité et de transmettre la vérité à ceux qui vont nous suivre. Ça sera facile, juste de leur donner des bibles et de dire « arrangez-vous ». On s'est arrangé, arrangez-vous. Mais ce n'est pas ça que tu veux qu'on fasse. Comme tu as dit par Paul à Timothée, transmets à des hommes la vérité que je t'ai donnée, afin que ces hommes le transmettent à d'autres hommes. Il faut se transmettre de génération en génération, non pas juste des bibles, mais la compréhension aussi de la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je résume en quelques phrases. On a vu ensemble que nous étions en communion avec Dieu, en communion avec le Fils et en communion aussi avec les frères. On a vu que nous marchons dans la lumière. On a vu aussi que nous marchons comme Jésus a marché, en aimant les frères. On a vu aussi que nous n'aimons pas le monde, mais nous aimons Dieu. Nous ne sommes pas comme les antéchrists qui aiment plus le monde et qui finalement quittent Jésus-Christ. Et nous allons voir ce matin, nous sommes de ceux qui demeurons en Dieu et en Jésus. Lisons à partir du chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Père et dans le Fils. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qui il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Donc ici, il parle de l'onction. Il dit, vous avez une onction. Mais il commence au verset 20, pour vous, en comparaison avec les antéchrists qui avaient parlé des versets avant. Pour vous, qui avez connu le Père, qui avez vaincu le malin, qui avez connu le Fils, qui avez gardé la parole. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction, est-ce qu'il fait mention de ce que Paul avait parlé, qu'on a été loin du Saint-Esprit? Est-ce qu'on parle de cette onction-là ici? Peut-être. Peut-être que oui. Il dit, vous avez reçu l'onction de celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est Dieu, c'est Jésus. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, il dit, la connaissance vient de l'onction. Et l'apôtre Paul nous dit qu'on ne peut pas connaître rien sans avoir l'onction, sans avoir l'Esprit Saint. Donc, il dit, vous avez reçu l'onction, et ça vous a amené à avoir de la connaissance. Il dit, si je vous écris, c'est parce que vous avez de la connaissance. Vous connaissez la vérité. Et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est pour ça que je vous écris. Je ne vous écrirai pas si vous étiez des menteurs. Mais je vous écris parce que vous avez eu l'onction de Dieu. Et cette onction-là vous a amené à connaître la vérité par rapport à Dieu, par rapport à vous-même, par rapport à Jésus. Vous connaissez la vérité maintenant. Vous savez que Dieu est saint. Vous savez que Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur. Vous savez qu'il est l'envoyé de Dieu. Vous savez qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez qu'il est le Christ. Vous savez que vous êtes des pécheurs. Vous savez que le salut est en Christ seulement. Vous connaissez la vérité. Il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité. La vérité, vous savez, ce n'est pas un ramassis de principes ou de phrases. La vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la vérité. Il dit, il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité. Si vous avez reçu l'onction, vous allez être dans la vérité. Si vous avez reçu l'onction, vous la connaissez et le mensonge n'habite pas en vous. Ça ne veut pas dire qu'on fera pas des mensonges. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira jamais un mensonge par rapport à un montant d'argent ou sous nos rapports d'impôts. C'est pas ça dont ça parle. Mais le mensonge, c'est en comparaison avec la vérité qui est en Christ. La vérité par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au péché, par rapport à l'Évangile. La vérité qui sauve, qui glorifie Dieu. Il dit, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu vois la vérité ou tu es un menteur. Et là, il dit, au verset 22, c'est quoi ce mensonge? Qui est menteur? Si ce n'est pas celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Christ. Il n'est pas l'envoyé de Dieu. Il n'est pas le oint de Dieu. Il n'est pas le Christ ou le Messie. Et celui qui dit ça, c'est l'Antéchrist. C'est cet Antéchrist qui va quitter l'Église qu'on a vu un peu plus haut. C'est cet Antéchrist qui n'est pas des nôtres. Et c'est celui qui nie le Christ. C'est celui-là le menteur. Donc il dit, si vous avez reçu l'onction, vous connaissez la vérité et vous ne direz jamais que Christ, que Jésus n'est pas le Christ. Parce que si tu nies le Christ, tu nies aussi le Père qui a envoyé. Celui qui n'a pas le Fils au verset 23, n'a pas connu le Père non plus. Mais quiconque se déclare pour le Fils, tel que le Fils s'est présenté, étant le Fils de Dieu, étant le Messie, étant l'incarné, étant celui qui vient du Père, étant un avec le Père. Il dit, celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, c'est très important que votre doctrine, que notre doctrine par rapport à Jésus-Christ soit exacte. C'est très important. Et les grands mouvements qui se sont éloignés de la vérité se sont éloignés premièrement de la personne de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ, de pourquoi il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Même s'il parle de Jésus-Christ, même s'il proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils vont sortir aux côtés. Bon, ben, eh ben, il ne nous a pas vraiment sauvés. Il faut se sauver soi-même par nos œuvres. Donc, proclame Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu. Il est un archange. Donc, d'autres, c'est seulement un prophète. Les deux grandes religions du monde qui totalisent par leurs adeptes la moitié de la population du globe, presque. Un de ces mouvements-là dit que Jésus était juste un prophète, comme Mahomet. L'autre dit que, oui, il est le Fils de Dieu, mais il ne nous a pas sauvés. Il faut se sauver par nos propres œuvres. Il nie le Fils. Il nie son œuvre. Donc, il nie aussi le Père. Ils n'ont pas le Père, ils n'ont pas le Fils, ils n'ont pas le Fils, ils n'ont pas le Père. Mais il dit au verset 24, si vous demeurez, si vous restez attachés à ce que vous avez entendu dès le commencement, ça veut dire du commencement de la prédication de l'Évangile, si vous restez attachés à ça, si vous demeurez dans la proclamation de l'Évangile des apôtres. Parce que Jean, il a écrit vers, ça fait peut-être 15, 20, 30 ans que l'Évangile a commencé à être proclamé, que Jésus-Christ est parti. Il dit, si vous demeurez dans ce que vous avez entendu, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. C'est comme il avait dit au début, vous êtes en communion avec le Père et avec le Fils et avec tous ceux qui gardent ce qu'on nous avait entendu dès le commencement. Et la promesse qu'il a faite, que ceux qui gardent, ils ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Il dit au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Faites attention à ceux qui vous égarent. Puis là, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Donc, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit ici, tu n'as pas d'affaire à m'enseigner, toi, François Nolette. Tu n'as pas d'affaire à m'enseigner, moi j'ai l'onction et je n'ai pas besoin d'être enseigné par personne. L'onction qui est en moi m'enseigne. C'est pas ça que ça parle ici. Parce que, si ça serait vrai, il pourrait dire, ces chrétiens-là pourraient dire à l'apôtre Jean, « Hey Jean, enseigne-nous pas. On n'a pas besoin de toi pour nous dire quoi faire. On a l'onction. On sait quoi faire. On n'a pas besoin d'être enseigné par toi, Jean. Nous, on a l'onction. On a reçu l'onction de la part de Dieu. Et maintenant, personne n'a besoin de nous enseigner. Ni toi, Jean, ni personne d'autre. Ni aucun pasteur, ni aucun ton enseignant. Personne. C'est pas ça que ça parle. Mais d'ici l'onction vous a donné la vérité, et qu'il n'y a aucun mensonge dans cette onction-là. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné d'autres choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne d'autres vérités. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous ajouter des nouvelles vérités par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à l'Évangile. Acceptez pas que personne ne vienne vous égarer loin de ce que vous avez déjà reçu. Ici, il ne parle pas de s'instruire ou d'écouter des gens qui vont nous aider à comprendre ce que nous avons reçu dès le commencement. Mais il dit, n'acceptez pas quelqu'un qui vient vous enseigner pour changer ce que vous avez reçu dès le commencement. C'est ce que Paul voulait dire. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, il dit, même si un ange viendrait vous enseigner un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, ce qu'il est en train de vous dire, c'est, vous avez reçu la vérité par l'onction. Et l'onction vous a dit juste la vérité. Donc, il dit, n'acceptez pas quelqu'un d'autre qui viendrait vous égarer loin de ce que vous avez entendu dès le commencement. Verset 28, il dit, demeurez attaché. Parce que si vous ne demeurez pas attaché à ce que vous avez entendu dès le commencement, lorsqu'il va paraître, vous allez avoir honte. Mais si vous restez attaché, vous allez avoir de l'assurance. Ici, il ne parle pas le chrétien qui n'a pas été gentil avec son épouse, le chrétien qui n'a pas assez évangélisé, le chrétien qui n'a pas lu assez sa Bible, le chrétien qui n'a pas assez témoigné, bien, il va avoir honte. Mais non, ce n'est pas ça que ça parle. La comparaison, c'est l'assurance quand Jésus-Christ va arriver qu'on va t'accepter de lui. Parce que nous avons gardé ce qui nous avait été annoncé dès le commencement par l'onction que nous avons reçue. Mais si j'ai abandonné la vérité, si je me suis laissé égarer par un antéchrist, je vais avoir honte. Donc, je vais être rejeté. Je vais être poussé loin de Dieu. Je ne serai pas avec Dieu parce que je ne suis pas en communion avec Dieu. Parce que j'ai nié le Fils. Donc, je n'ai pas le Père. Donc, frères et sœurs, il est important pour nous de bien, bien, bien comprendre les vérités au sujet de Jésus et de Dieu et ce qu'il est venu faire sur la terre. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Comprenons bien cela. Jésus avait un but bien précis. C'est la gloire de Dieu par le salut des enfants, ses enfants ou ses élus. Il n'est pas venu pour sauver les élus. Il est venu pour la gloire de Dieu en sauvant les élus. Les élus sont un moyen d'emmener de la gloire au Père, d'emmener de l'adoration au Père. Si on s'éloigne de cette vérité-là, oh, nous sommes en danger. Nous sommes en danger que la foi que nous proclamons est juste une autre religion pour nous dire comment faire pour aller au ciel et pour avoir une vie agréable sur la terre. Parce que les religions du monde, c'est ça qu'ils font, vous savez. Ils essaient de dire à leurs adeptes comment faire pour être certains d'aller au ciel. Et ils leur disent comment se comporter ici-bas, pour avoir une plus belle place dans l'au-delà. Mais ne soyons pas comme ça. Proclamons la vérité. Et quand on lit les évangiles, nous voyons bien Jésus qui proclame qu'il est venu pour la gloire de Dieu. Notre Père du ciel, sois béni parce que tu nous as oint. Tu as mis en nous une onction qui nous a dirigés dans la vérité. Et cette vérité est en nous. Donne-nous de la comprendre comme il faut. Donne-nous de toujours avoir une plus grande connaissance de cette vérité-là que tu nous as donnée. Et donne-nous la grâce de jamais nous en détourner. Ô Seigneur, si nous n'avions pas la certitude que tu es avec nous, pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin, on serait découragé. On serait dans la peur de faire comme un paquet de monde qui ont abandonné. Mais tu promets ici que si je garde le Fils, je garde le Père, ta promesse, c'est la vie éternelle. En son nom, nous te prions. Amen.